J'ai peur de la mort, j'ai peur de la mort. Je le sais, je l'ai vu. Appeler mon nom, appeler des amis. Jamais je les ai revus. Peur que sans moi, la vie suive son cours. Qu'un autre con touche ma thune et que ma fouve change de pine écu. Quelconque lore que mes copies, que mes potes m'oublient. Qu'à chaque fois que ma mère ouvre les yeux, ses larmes est doublée. Ne pas voir son gosse pousser, frotter son dos quand il tousse. Toucher d'autres meufs que ta fouf. Si demain le pire arrivait, prends ce texte, tel un testament. Pas de bien partager sauf mes sentiments. Nos soucis ne sont pas les mêmes, fiston. Ne mélangeons pas nos pensées. Je pense qu'on sera jamais un. L'existence, c'est le châtiment. L'amour des proches est d'or. J'ai mouru mille fois quand Dieu les rappelait à l'ordre. Profite-en encore tant que t'as le temps. Nos vies se raccourcissent chaque jour. L'amour des proches est d'or. J'ai mouru mille fois quand Dieu les ramenait à l'ordre. Profite encore tant que t'as le temps. Nos vies se raccourcissent chaque jour. Mourir, y'a mille façons, peu le choisissent. La faucheuse n'oublie personne, ni toi, ni moi, jamais oisif. J'en passe des façons de se casser de la tête. Des potes qui se disloquent en caisse, des mères se laissent en suicide. Tant de vie perdue dans le triangle, l'offre des permutes d'un type, une fille dénudée. Tu viens, tu te vois, tu te fâches, t'en tues un. Le rouge coule, un bougre au sol, l'autre en taux, drôle de vie. Dire que tout ça parle d'amour, laisse-moi douter. On dit, perds pas l'espoir, mais faire quoi quand un sale faire pas. Dis que ton père part d'un cancer. De toute façon, c'est ça ou autre chose. Y'a mille façons d'être soustrait, laisser les joues arroser. L'existence, c'est le châtiment. L'amour des proches est d'or. J'ai mouru mille fois quand Dieu les rappelait à l'ordre. Profite-en encore tant que t'as le temps. Nos vies se raccourcissent chaque jour. L'existence, c'est le châtiment. L'amour des proches est d'or. J'ai mouru mille fois quand Dieu les rappelait. Vraiment, tiens les telles une poignée de sable. Pendant la tempête n'écarte jamais les doigts ou toute ta vie tu le regretteras. Et ceux qui t'aiment, adore-les avant la housse, car les regrets ne servent à rien. Arriver dans l'au-delà, aimer ses amis sans baliser. Croire que la vie est longue jusqu'à réaliser l'erreur lors d'une fin de vie. Le pire dans la perte, c'est pas l'être aimé, mais le temps de se consoler. Car quand on meurt, c'est pour si longtemps. Ce qui est à craindre, c'est qu'à force que tes proches taillent à la morgue, tu finis par être plus mort que. Vu qu'à chaque fois qu'on perd quelqu'un de cher, on meurt aussi un peu. Facile d'écrire, mourir mille fois. Jamais je ne l'ai revu. Je pense à Momo qui m'a dit à plus. Jamais je ne l'ai revu.